décidé après Noël, j'arrête. Dans les mois qui va suivre, je la quitte. C'est décidé après Noël, j'arrête. J'ai pris un crédit, faut tenir le coup. Je ne ferai plus des pieds et des mains, je ne brûlerai plus mes ailes pour elle. Pourtant je faisais tout ce que je voulais d'elle. Mon amour, oublie-moi, j'arrête. Mon amour, oublie-moi, mets-toi à l'abri de moi. Je voudrais qu'il n'y ait plus rien entre nous, que tu t'arraches vite de mes doigts. Parce que t'es bonne, mais t'es conne comme une mouche. Tu peux crever, j'en sais trop sur toi. Je ne ferai plus des pieds et des mains, je ne brûlerai plus mes ailes pour elle. Pourtant je faisais tout ce que je voulais d'elle. Mon amour, oublie-moi, j'arrête. Mon amour, oublie-moi, mets-toi à l'abri de moi. Mon amour, j'arrête. J'ai fumé ma dernière cigarette. Ce que je t'aimais nu légère, ma blonde, mon incendiaire. C'était paradisiaque, cet enfer. Mon amour, oublie-moi, j'arrête. Mon amour, oublie-moi, j'arrête. Mon amour, oublie-moi, j'arrête. Mon amour, oublie-moi. Dernière cigarette, c'est décidé après Noël, j'arrête. Quand on aime une chanson, on peut avoir tendance à la passer en boucle parce qu'il est plus simple d'en être rassuré que d'aller gratter d'autres titres qui peut-être nous décevront. Ce soir, on ose, on gratte, on cherche, mais en terre pas aussi inconnue que cela. Je cours, je cours. avez un peu d'oreille, vous avez peut-être reconnu Dolly qui, à la fin du XXe siècle, aurait pu créer un raz-de-marée. Mais la mort s'en est mêlée et Dolly s'en est allée. Allez, petite exception du soir, titre que vous connaissez certainement. Parmi les groupes de ce soir, plusieurs appartiennent aux cadavres exquis du rock, comme Dolly ou encore comme Elista, qui pourtant est bien toujours dans les playlists de Radio Lausanne sur RVR. Savoir vous taire, je veux revoir votre salaire. Pensez à moi, mon pauvre ami. J'obéis à l'économie. N'ayez pas peur pour votre emploi, c'est mon bras droit qui les renvoie. Ceux qui traversent le désert, je suis très fier de nos carrières. Je ne veux pas entendre un mot. Tu es en bas, je suis en haut. Je suis une nuit de tempête qui souffre de son appétit, qui sait que vous souffrez aussi, mais qui se fout de qui vous êtes. Jamais de moi je ne rougis. Je suis une nuit de tempête, je frappe à partir de la tête, je frappe ceux qui voient petit, puisque personne ne m'arrête. Jamais de moi je ne rougis. C'est vous qui m'avez fait ainsi. Pensez à vos futurs enfants, c'est leur futur que l'on défend. Souvenez-vous, futur défunt, c'est aujourd'hui qu'on fait demain. Jamais de moi je ne rougis. déséquilibre. Pourquoi toujours courber le dos plutôt qu'y planter des couteaux? Parce que plus rien ne vous suffit. Mordez la main qui vous nourrit. Je suis une des tempêtes qui souffre de son appétit, qui sait que vous souffrez aussi, mais qui se fout de qui vous êtes. J'amène moi, je logis. Je suis une nuit de tempête, je frappe à partir de la tête, je frappe ceux qui voient petit, puisque personne ne m'arrête. J'amène-moi, je me rougis. C'est vous qui m'avez fait ainsi. Je suis une nuit de tempête. Je frappe ceux qui voient petit. Jamais de moi je ne rougis. C'est vous qui m'avez fait ainsi. Je frappe ceux qui voient petit. Jamais de moi je ne rougis. Je suis une nuit de tempête. Je suis une nuit de tempête. Je suis une nuit de tempête. Vous êtes bien dans Radio Lozinc et ce soir la règle est simple, des groupes et artistes que nous aimons, mais avec des titres inédits dans Radio Lozinc. Et après Elista, voici notre regretté Jean-Louis Murat. Qu'il est dur de défaire, j'en reste KO. Dans ta vie, les frontières, sise au bord de l'eau. Abruti de lumière, comme pris au lasso. Je me laisse défaire de tous mes oripeaux. Tes gestes d'enfête, ta vie de femelle, je te jure que je m'en fous. Le plaisir morasse dans la passe et alors. De ma vie vulgaire dans l'armée de l'air, je garde la mousse et tout. Plus rien n'est en place, comme tout s'efface, et alors je m'en fous. Voilà donc la disgrâce. Où sont les chevaux, mon ami Pégase, et la belle Ozo? Oh, je n'ai plus de visage, je reste caché, caché dans ton ombre, ton ombre portée. Ouais. Je suis dans l'espace, un temple de glace, je n'aime plus rien du tout. Malgré les menaces, comme tout me lasse, je m'en fous, je m'en fous. Si dans tes bontés internationales, je ne vaut plus le coup. C'est l'adieu aux armes, l'oubli est en place, et alors je m'en fous. Oh, donnez-moi la lumière sur ce champ muet, ce long chant de misère et de vanité. Comme tout est triste dans l'air, où tout est à côté. Ami, voilà ma prière. Oh, voilà mes péchés. Je suis dans l'espace, un temple de glace. Je n'aime plus rien du tout. Je m'en fous, je m'en fous. Je vis dans la crasse, je suis dégueulasse. Et alors, le chien de l'espace dans la glace n'aboira plus. Ah ouh. Dans nos cadavres exquis du rock, il y a de vrais défunts, mais heureusement, il y a les toujours vivants et très actifs de Feu Chatterton. Après la tempête, je flotte dessus mes hantises, dessus la peur d'être fou, allié, marteau comme ici les requins, que j'aimerai qu'on le quinte au fond du bocal filé. Ouais, je crains de finir fou, allié, marteau comme ici les requins. Sauce des tickets locastes pour des cieux tropicaux. Pastilles multicolores pour que les dieux décolèrent dans la discothèque. Pousse des palmiers, collet, crocodile Lacoste. Descendons en parachute dans cet infini paradis. La pensée à ses terres, pas vu des radars satellitaires. Il est-elle ici réelle, abandonnée, ou bien dans ma tête, récif peuplé de sirènes qui disent que je suis fou, allié, marteau comme ici les requins, que j'aimerai qu'on quinte un tout petit grand café. Elles disent que je suis fou, allié, marteau comme ici les requins. course des tickets low cost pour des cires tropicaux. Où suis-je? Et qui sont ces gens qui enfilent des perles au cou, d'autres va-le-pied? Mais où suis-je? Et qui sont tous ces gens qui enfilent des perles au cou, d'autres va-le-pied? Je courtise les filles des locaux, enfile des pales au cou, d'autres vaillent. Je courtise les filles des locaux. Si vous en avez assez d'écouter toujours les mêmes groupes, toujours les mêmes artistes, foncez sur la page Facebook de Radio Zinc ou bien sur rvrradiolibre.fr pour retrouver tous nos podcasts, ou encore tout simplement tous les jeudis au 104.6 à 17h. Et en 2021, les Têtes Raides sortaient leur dernier album sans que je m'en inquiète. Quelle honte! En avant était la piste numéro 1. Les Têtes Raides, Debout sur le Zinc, Les Ocres de Barbac, groupe français vivant de la scène, comme le collectif Mon Côté Punk, qui ce soir chante La La La, issu de leur dernier album. Tous les matins, elles chantaient La La La. Lui la frôlait brillant comme un éclat. Bonheur traversant son corps et sa voix. Elle fleurissait quand il passait par là. Elle l'admirait de tous ses 15 ans. Espérait cueillir son cœur baladant. Mais lui bien sûr il ne la voyait pas. 20 ans chante d'autres blablabla. Lui bien poli, un poil pédant. Lui répondait quand même en chantant. Dans un élan mêlant leurs deux voix. Reprenant leur air la la la. Il est beau pas si pas ou dina. Ou pas ou terminé. Et cloué à son matelas, la la la. Elle attendit en attraper froid. Une semaine de pluie où il ne vint pas. C'est ainsi que son cœur gela. Son tapis l'en envolait loin là-bas. À revendre au plus offrant cette voix. Tout en rêvant d'un retour triomphant. Dissant, usant sa voix en chantant. Lui bien perdu, un peu absent. Elle est dans sa ville morte en chantant. Freiné en fourbu d'acrobatie. Alors dès qu'on l'a revu, elle lui chanta son nouveau tralala. Lui ne répondait plus quoi que ce soit. A flirté avec la flagornerie. La voix de l'effet s'est tarie. Lui bien gentil, un peu perdant. Funambule sur un fil chancelant. Elle repartit chanter à tout va. Lui bien gentil, un peu perdant. Funambule sur un fil chancelant. Elle repartit chanter à tout va. Comme un petit air de tralala. Vous écoutez bien Radio Le Zinc. Et voilà un second titre de Mon Côté Punk. C'est la marche de ces hommes, ceux qui ne savent plus partager, harassés par le métronome qui guidait le pas de leur journée. Comme un accord et sans vergogne, ils décidèrent de tout casser. Ils changeront la face du monde et commenceront par le défigurer. Salir les femmes, humilier les hommes qui sans dictat voulaient vivre en paix dans leur environnement de pommes pour y grandir, pour évoluer. Cette envie de vivre que l'on se redonne aux enfants venus les retrouver. Mais ils les stopperont en loi de corde pour les pendre à leurs idées. Crois en haine américaine, tu peux pas aimer l'amour et prendre sa main. Tu peux pas et lui se prendre dans tout ça. T'as pas le droit l'inviter à danser. Alors là, ça se met pas la pousser à fleurir. Tu peux pas boire l'alcool dans ses bras. Tu peux pas car être ivre de bonheur. Tu peux pas car être libre de bonheur. Tu peux pas, ça se met pas. Alors l'enfant intègre tout ça. Lui, le fan de GTA. Il décide de mettre à sa ceinture comme pour un dernier éclat. Quelque chose qui mettra d'accord, qui explosera tous les débats. C'est plus facile la vie des hommes, parfois quand on n'a pas le choix. Mais le parfois te met en doute, et les doutes ralentissent tes pas. Tu repenses à tous ces mois d'août, où tu n'avais pas ces pressions-là. Tu te gavais de macroude, et de bonbons en chocolat. Tu n'avais pas choisi de route, tu la construisais pas à pas. Tu peux pas aimer l'amour et prendre sa main. Tu peux pas et le sport dans tout ça. T'as pas le droit l'inviter à danser. Alors là ça se fait pas la pousser à fleurir. Tu peux pas boire l'alcool dans ses bras. Tu peux pas car être ivre de bonheur. Tu peux pas car être libre de bonheur. Tu peux pas, ça se fait pas. Des sauvages enragés, parce que leur voix était trop douce, parce que leur voix était trop faible, et qu'avec le bruit du monde, elle n'agissait jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Tu peux pas aimer l'amour et prendre sa main. Tu peux pas et le sport dans tout ça. T'as pas le droit l'inviter à danser. Alors là ça se fait pas la pousser à fleurir. Tu peux pas boire l'alcool dans ses bras. Tu peux pas car être ivre de bonheur. Tu peux pas car être libre de bonheur. Ça se fait pas croire en elle avec elle. Tu peux pas aimer l'amour et prendre sa main. Tu peux pas et le sport dans tout ça. T'as pas le droit l'inviter à danser. Alors là ça se fait pas la pousser à fleurir. Tu peux pas boire l'alcool dans ses bras. Tu peux pas car être ivre de bonheur.

croisée. J'en ai le cœur, j'en ai la flamme, j'en ai les bras, j'en ai le coffre, j'en ai la gueule, j'en ai le crâne. Je vous vois partir en distribile, je vous vois partir à Dreuse, à faire les imbéciles avec votre vie amoureuse. Je suis né en novembre 74 à Pantin. Et j'ai toujours su, c'est mon pouce accusé de meurtre et mis en examen. J'entends quelqu'un qui tousse la postière, je n'y suis pour rien. Elle aussi était gentille et douce. Je vous aime bien, mais je vous déteste tous. Mon nom ne vous dit peut-être rien. Vous l'avez déjà eu sur la bouche, mon nom est Gérald Thomasin, celui qu'il ne fallait pas que l'on touche, drogué, délinquant et comédien. Je n'aurais jamais fait de mal à une mouche. Dans la rue, j'étais devenu quelqu'un. Les autres, je les connaissais tous. Installés à Montréal, la Cluse, dans l'Ain, un village tout au fond de la Combrousse. On était souvent une canette à la main. La vie est dingue quand on l'éclabousse. Je vous aime bien, mais je vous déteste tous. Je ne suis pas un assassin. Désormais vous le savez tous, mon nom est Gérald Thomasin, celui qu'il ne fallait pas que l'on touche, envolé comme un bandit, comme un saint, que l'on vénère, que l'on repousse. Je vous aime bien, mais je vous déteste tous, mon nom ne vous dit peut-être rien. Vous l'avez déjà eu sur la bouche, mon nom est Gérald Thomasin, celui qu'il ne fallait pas que l'on touche, drogué, délinquant et comédien. Je n'aurais jamais fait de mal à une mouche. ...2023 était jusqu'à ce jour l'année d'apparition de nouveaux talents, alors que 2023 sera l'année de sortie de Simplifié, dernier album de Miossec. Le soir je danse avec mes disparus. Le soir je danse avec ceux qui ne sont plus, qui ne sont plus là, en apparence, qui ne sont plus là, de toute évidence. Ils dansent, ils se manifestent en bougeant les bras, en faisant de grands gestes. Ils dansent, ils se manifestent, ils sont tous là. Au milieu de la pièce, je monte au paradis. Je suis bien tout là-haut, mieux qu'avec vous ici. Ce soir je danse avec ceux que j'ai bien connus et qui sont partis sans même finir le reste, en laissant derrière eux des images, des objets que l'on caresse. manifeste qu'ils sont tous là au milieu de la pièce. Reste encore quelques minutes ensemble, et là je me demande s'il reste encore un auditeur à subir ce 122e Radio Le Zinc. Dans le doute, je ne lâche pas le fil de ce soir, et c'est à Yvan Marc que je refile la patate chaude. Ouais, comme il dit, c'est pas gagné. Sans être pessimiste, je me rends compte, et c'est bien triste, que 95 fois sur 100, l'homme s'emmerde s'il ne joue pas les conquérants. Pourtant il y a d'autres moyens, un peu plus élégant, pour dompter ses instincts primaires de combattant, comme construire de belles maisons, faire pousser des citrons, jouer à la PlayStation ou alors au ballon. Mais pour avoir la paix, la seule solution qu'on ait trouvée, c'est de fabriquer des canons. Non, c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Quel que soit l'axe dont on fait partie, les conflits ne profitent jamais aux enfants des patries. Je pense que si on proposait des activités moins guerrières, les peuples ne s'en plaindraient en aucune manière, comme construire de belles maisons, faire pousser des citrons, jouer à la PlayStation ou alors au ballon. Mais pour avoir la paix, la seule solution qu'on ait trouvé, c'est de fabriquer des canons. Non, c'est pas gagné. Dans le peloton de tête, un seul slogan pour les nations humaines. Mieux vaut des casernes bien pleines que des têtes bien faites. Et non, non, c'est pas gagné. Non, non, c'est pas gagné. Oui, c'est sûr, comme le dit Yvan Marc, c'est pas gagné, surtout pour les disparus de nerfs. Je Voilà un 122e Radio Zinc de bouclé. Perso, j'ai aimé vous le programmer, mais aurez-vous eu du plaisir à l'écouter? On se quitte avec Barbara, chantée par les Toulousains de Oslo Tropique. Sur ce, rendez-vous donc jeudi prochain à 17h. Bis à messieurs, bis à mesdames.